Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un film qui a révolutionné le genre du cinéma d'horreur, Massacre à la tronçonneuse. Rien qu'à l'évocation de ce titre, les estomacs se retournent, les esprits s'échauffent. Pourtant, c'est plus qu'un simple film d'horreur. Il est devenu une œuvre essentielle de la culture américaine moderne. Longtemps censuré, ce film réalisé en 1974 va même bouleverser le monde du cinéma. Sa production cauchemardesque, sa réalisation à la limite du documentaire, sa bande-son faite de bruits naturels et d'objets divers, sa sortie chaotique en salle et sa première distribution sous le manteau feront de sa vie cinématographique une traversée semée d'embûches, mais au final, une œuvre exceptionnelle, aujourd'hui exposée au MoMA New York, s'il vous plaît, au même titre qu'une œuvre d'art. Comment un film bricolé par un jeune étudiant texan, Tobe Hooper, a-t-il pu se hisser à un tel niveau? Comment un film d'un genre mineur a-t-il pu devenir à ce point une œuvre majeure? Derrière ce titre, Massacre à la tronçonneuse, qui sonne comme un film ringard et convenu, se cache donc une œuvre culte, comme celle, elle incarnait l'essence du cauchemar. Notre invité aujourd'hui, Julien Céléon, auteur de Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique, une édition en deux volumes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécurent un groupe de cinq jeunes gens, en particulier Sally Hardesty et son jeune frère impotent, Frankie. Mais eussent-ils vécu très très longtemps qu'ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité une telle débauche de folie macabre que celle à laquelle ils assistèrent ce jour-là. Pour eux, une balade par un idyllique après-midi d'été devint un cauchemar. Les événements de cette journée devaient mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire américaine, connu sous le nom de Massacre à la tronçonneuse. Texas Chainsaw Massacre. Le mardi 1er octobre 1974, les Américains qui se rendent dans leur drive-in habituel s'apprêtent à passer une soirée à visionner des films d'horreur devenus classiques depuis la sortie de Psychose en 1960. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, en revanche, c'est que l'un des trois films prévus ce soir-là va leur faire vivre une révolution non seulement cinématographique, mais surtout émotionnelle. Massacre à la tronçonneuse débute donc par cet avertissement. Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécure un groupe de cinq jeunes gens, etc. Une introduction qui attise la curiosité du spectateur et qui ancre le film dans une réalité perturbante. À vrai dire, un cauchemar qui va durer 84 minutes. De nouvelles pompes ont été profanées cette nuit même. La police a pu obtenir des renseignements. Et ce matin, à son arrivée, elle découvrit au centre du cimetière un monument funéraire particulièrement macabre. Il se composait des restes du corps d'un homme solidement attaché à une stèle funéraire. Un second corps mutilé gisait dans un fossé proche d'une vingtaine de mètres. En outre, une dizaine de cryptes ouvertes ont été découvertes par la police. Elles avaient été profanées elles aussi. Plus les recherches avancent et plus l'horreur prend d'ampleur. Quelques corps ont été mutilés et toujours de façon identique. Soit par amputation d'une main, d'un pied, par décapitation. La police pense que cela se perpétue depuis un certain temps déjà dans ce petit cimetière. Le shérif du comté se refuse à tout commentaire concernant cette affaire. Depuis les premières heures de la matinée, beaucoup d'habitants de la contrée convergent vers le cimetière, redoutant qu'un des leurs soit exhumé et mutilé. La police n'a actuellement aucun suspect. Fiction, réalité, Massacre à la tronçonneuse plonge le spectateur dans le doute dès le début du film, avec cette annonce d'une radio locale. Un texte qui se déploie sur des images jaunies, poisseuses, qui transpirent la chaleur étouffante du sud des États-Unis. La caméra navigue au milieu du cimetière, comme si elle survolait les tombes. Le tout est agrémenté de flashs qui font apparaître les détails de corps en décomposition, extraits de leur sépulture. Nous sommes dans le cimetière d'une campagne texane. Une série de pillages de tombes a eu lieu. Des exhumations dont le point d'orgue achève d'établir l'horreur. Un corps sans tête, en putréfaction, costumé d'une redingote noire et suspendu à une stèle. « C'est là, dans ce charmant paysage, que cinq jeunes adultes de la ville, tendance hippie, se rendent en ce 18 juillet 1973. Ils ont fait la route en van depuis le fin fond du Texas pour vérifier que la tombe de leur grand-père n'a pas été profanée. Une fois sur place, ils apprennent qu'elle est intacte. Bien, ils peuvent donc repartir l'esprit tranquille. Mais puisqu'ils ont fait tout ce voyage, autant en profiter pour voir dans quel état est la maison de famille. Mais alors qu'ils s'apprêtent à redémarrer, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus d'essence. Le choc pétrolier est passé par là, la station qu'ils trouvent sur leur route n'est plus approvisionnée. Et les voilà bloqués. Pendant que deux d'entre eux explorent la maison abandonnée, deux autres se dirigent vers le lac pour se baigner. Il fait 40 degrés, ils n'ont rien d'autre à faire que de profiter du plan d'eau et de s'y rafraîchir. En chemin, ils tombent sur un groupe électrogène en marche, alimenté par une citerne à essence. Avec un peu de chance, le propriétaire aurait un bidon en rab à leur vendre. Soulagés à l'idée de pouvoir rentrer ce soir, chez eux, ils se dirigent vers la propriété voisine. Hello? Hello? Is anybody home? Hello? Hey, Pam! Hello? À 35 minutes et 17 secondes du début du film, le spectateur fait la connaissance de Leatherface et entre de plein pied dans le cauchemar. Oui, sans préavis. Le jeune hippie Kirk vient de se faire attraper comme du menu gibier par un homme vêtu d'un tablier de boucher portant sur son visage un masque fabriqué en peau humaine. Après avoir soulevé Kirk d'une seule main, il l'achève à coups de marteau et l'emporte dans son antre. Une action, une bestialité sans précédent sur les écrans. Et pourtant, cette scène qui ne dure que quelques secondes ne donne à voir aucune goutte de sang, pas même une entaille, non, mais qui donne le ton d'une angoisse paroxystique qui ne quitte plus le spectateur. Et pas uniquement parce qu'elle montre le meurtre d'un homme, mais bien parce qu'elle surprend le spectateur dans l'instantanéité et la réalité. Voilà le nœud de cette affaire, massacre à la tronçonneuse, l'ancrage dans le réel. Parce que tout pourrait arriver dans la vraie vie au moment où le film est tourné. Nous sommes en effet en 1974 dans une Amérique épuisée. Tom Hooper, le réalisateur, ne le souligne pas. Il préfère faire passer ses messages de manière subliminale, comme il l'explique au micro de Philippe Collin le 25 octobre 2014 dans l'émission Si l'Amérique m'était comptée. C'était perçu comme ça, comme une histoire vraie. Personne n'avait jamais rien vu de tel. The characters were not cardboard. Vous savez, en fait, les personnages, c'était pas du carton pâte, quoi. C'était des gens qui avaient vraiment une dimension. There was a subtext to, to everything. Il y a un sous-texte à tout ce qui est dit dans ce film. And the film does not tell you what it is. Et le film n'explique pas de quoi il s'agit. Many layers of narrative. Il y a plusieurs niveaux de récit, de narration. So you become involved and you're putting together. Voilà, donc ça vous engage. Et vous essayez de comprendre, de mettre les morceaux en place, de comprendre ce que l'on voit. And you're not being told what you're seeing. On ne vous dit pas ce que vous voyez. So you become involved. Donc voilà, ça vous implique. Face à cette injonction, le spectateur n'a plus d'autre choix. Il doit convoquer son imagination. La force de Massacre à la tronçonneuse, et peut-être même la raison de son succès et de son accession à l'histoire du cinéma, réside certainement dans cette ligne de crête que Hooper suit en permanence, un jeu funambule entre le réel et la fiction. Pour les Américains, les années 70 sont des années perturbées. La période est marquée par la défiance politique suite au Watergate, la crise économique due au choc pétrolier, par le traumatisme de la guerre du Vietnam. Le pays est à vif. La population a perdu confiance en son gouvernement et le fossé se creuse entre riches et pauvres, entre citadins et ruraux. Le chômage de masse dans les campagnes, un contexte jamais surligné, mais toujours suggéré. Massacre à la tronçonneuse est un film qui parle des laissés pour compte et dans quels extrêmes ils sont prêts à tomber pour survivre, cannibalisme compris. C'est exactement cela dit au passage, la question que soulève aujourd'hui l'incroyable série coréenne Squid Game. Mais revenons à Hooper, activiste hippie, plus habitué à voûter, à respirer des gaz lacrymogènes que des bouquets de fleurs. Avec ce second long métrage, il plonge dans les catacombes de l'histoire américaine. Il veut faire remonter à la surface ce qui a été enterré trop vite et voir à quoi ça ressemble. Quelque chose de pourri, de déliquescent, de barbare. Massacre à la tronçonneuse est donc plus qu'un film d'horreur, c'est un exutoire politique. Et pourtant, le but du jeune réalisateur était ailleurs. Hooper voulait réaliser de comédie, oui, un film accessible au plus grand nombre ou à minima au plus de 13 ans. D'ailleurs, même le titre ne correspond pas à la réalité puisque un seul meurtre est commis avec une tronçonneuse. Le choix définitif du titre est donc purement marketing. J'étais chez un ami et je lui ai donné le titre. Il m'a dit, j'irai jamais voir ça, je ne laisserai pas ma nana le voir. J'irai jamais voir un film qui porte ce genre de titre. J'ai dit, c'est bon, on a le titre. Le Texas, c'est le genre d'endroit où auraient pu vivre The Bloody Benders, cette famille de tueurs en série, l'isolement, la campagne. J'ai toujours vécu dans des villes texanes, et en dehors, ça fout les jetons. L'histoire de Massacre à la tronçonneuse est vraiment celle d'un ratage. Je voulais exprimer mes idées à travers un film d'horreur drôle et suggestif pour attirer plus de monde, dit le jeune Tom Hooper. Mais l'aspect comique est passé totalement inaperçu. On n'a retenu que le côté cannibale. Alors qu'on ne voit rien, Massacre à la tronçonneuse n'est pas du tout un film gore, revendique-t-il. Ce film est en fait une accumulation de messages incompris que Tom Hooper n'aura de cesse de tenter d'expliquer. Une méprise qui dure depuis 40 ans. Hooper rêvait de faire un film grand public pour conquérir Hollywood. Il se fracassera contre le mur honteux de la censure. Yeah. France Inter. What happened was true. Affaire sensible. The most bizarre and brutal series of crimes in America. This is the movie that Rex Reed called the most horrifying motion picture I have ever seen. This film is positively ruthless in its attempt to drive you right out of your mind. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. What happened in that movie was true. La sortie de Massacre à la tronçonneuse aux États-Unis est un choc. Personne n'avait vu un film d'horreur aussi percutant, aussi tétanisant. D'ailleurs, les bandes annonces sont éloquentes, elles disent. Dans ce film, tout est réel, aussi terrifiant que si vous y étiez. Il s'acharne à vous faire perdre la tête. Des meurtres d'une bizarrerie et d'une brutalité sans égale. Il atteint son but avec virtuosité et des summums d'épouvante. Un film d'horreur qui va jusqu'au bout. Quand vos cris s'arrêteront, vous commencerez à en parler. Tous les ingrédients de la terreur sont donc convoqués pour faire de ce film l'épouvante, l'état pur. Tout comme l'histoire sur laquelle Hooper s'appuie, celle de Ed Gein, le boucher de Plainfield. Un homme qui n'est jamais allé à l'école, que personne ne regarde, et qui dans l'antre de sa ferme isolée voue un culte sans borne à sa mère défunte, luthérienne et castratrice. Oui, tout ça. À l'annonce de son décès, Ed Gein a 39 ans. Il va tout tenter pour ramener sa mère, allant jusqu'à s'adonner à des incantations sur sa tombe et créer un costume de femme à partir de peau humaine. Ed Gein passe alors des années à piller les tombes à la recherche de morceaux de corps. Lors de son arrestation en 1957, la police découvre l'horreur. Toute la décoration est fabriquée à partir de restes humains. Des calottes crâniennes converties en bols, des bijoux fabriqués avec des mamelons enfilés comme des perles, un cordon d'interrupteur de lampe constitué de lèvres de femmes, des abat-jour et des fauteuils tapissés de lambeaux de peau, des draps, des rideaux et des gants en peau humaine. Que voulez-vous ? L'humain, c'est son truc. Et chaque nouvelle découverte est plus sordide que la précédente. Jusqu'à cette scène macabre, où la porte en gare s'ouvre sur un corps de femme décapité, pendu par les pieds, éventré comme une vulgaire pièce de boucher. L'histoire de Jane inspire Tom Hooper. Elle rassemble tous les éléments qui vont faire de Massacre à la tronçonneuse un film d'horreur politique. La maison isolée qui semble paisible mais qui renferme le pire des secrets. Le tueur psychopathe qui n'est en fait qu'un enfant qu'on a mal éduqué. La ruralité texane proche de l'associabilité. Cette tension macabre, il la transmet dans son film et la pousse à son paroxysme lors d'une scène d'anthologie, le repas de famille. Quelqu'un a pris un poulet, a découpé la tête et les pattes et en a fait une magnifique décoration pour le centre de la table. Mais ils n'avaient pas réfléchi à une chose. Nous étions sous les projecteurs, les fenêtres étaient totalement obstruées par des rideaux noirs pour être sûr qu'aucune lumière ne pénètre dedans, qu'on tourne, de jour ou de nuit, et le poulet a pourri. The stench on that set was... La puanteur sur le plateau était un mélange de transpiration, de Gunnar, car il portait son costume depuis si longtemps qu'il était trempé de sueur. C'est moi qui puais le plus sur ce plateau. Le problème, c'est qu'ils n'avaient qu'un seul costume pour moi, et qu'on ne pouvait pas le laver de peur que les couleurs se délavent. Donc j'ai dû porter le même costume 12 à 16 heures par jour pendant un mois. Une tête de poulet, un costume suintant et puant, des cadavres d'animaux morts et une chaleur étouffante. Voilà le décor dans lequel Marilyn Burns, la comédienne qui incarne Sally, ainsi que le preneur de son et Gunnar Hanser, qui joue lui Leatherface, ont tourné pendant 27 heures d'affilée. 27 heures pendant lesquelles Hooper a poussé les comédiens dans leur retranchement, leur faisant ressentir la peur, la pourriture et l'angoisse pour atteindre la sincérité dans le jeu. Quitte à se mettre tout le monde à dos. « Un tournage interminable dans une salle totalement hermétique à la lumière extérieure, dans une chaleur étouffante puisqu'il fait 40 degrés dehors. Une salle entourée de nourriture en décomposition et un acteur portant un costume en peau jamais lavé, suant à grosses gouttes et sans aucune ventilation, à tel point que plusieurs membres de l'équipe s'évanouissent pendant le tournage. Edwin Neal, qui joue l'autostoppeur, avoue « Tourner cette scène a été le pire moment de ma vie. Et pourtant, j'ai fait le Vietnam avec des gens qui essayaient de me tuer. » N'empêche que les acteurs sont tellement poussés à bout qu'ils finissent par rentrer complètement dans leur personnage. Gunnar Hansen, l'acteur qui joue Leva Face et qui n'a pas eu le droit d'enlever son masque pendant les 27 heures qu'a duré le tournage de cette scène du repas, a fini par rentrer dans la peau de son personnage. L'espace d'un instant, j'ai réellement eu envie de tuer Sally, confie-t-il. Au moment même où il devait lui couper le doigt pour le donner à manger au grand-père, après plusieurs prises ratées, Hansen, à bout de nerfs, décide, plutôt que d'utiliser le tube qui devait lâcher le faux sang et qui n'arrêtait pas de se boucher, de réellement lui trancher le doigt avec un opinel. Edwin Neal, lui, n'a plus qu'une envie, tuer Hooper. Mais le réalisateur tient sa sincérité, celle dont il a besoin pour donner une couleur quasi documentaire à son film. Pour accompagner ces scènes, il décide de ne pas ajouter de musique. La bande-son devient alors une petite merveille de l'horreur, fabriquée avec les moyens du bord, bruit métallique violent, instruments bizarres distordus, hausses d'animaux, tout est fait pour rendre le film organique. Pierre-Henri Delot, programmateur à la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 1975, témoigne de sa rencontre avec Massacre à la tronçonneuse. J'allais toujours à New York pour essayer de trouver des films et je louais une salle de projection avec elle, on me bloquait 30, 40, 50 films. Lorsque j'ai vu dans une petite salle de projection privée comme ça ce film, j'étais terriblement impressionné. J'avais jamais vu ce type de film qui allait ouvrir des portes. Moi, je ne soupçonnais pas la violence. C'était un film où... qui faisait appel à tous les fantasmes intérieurs, qui étaient des craintes inscrites dans l'inconscient des gens. J'avais jamais vu un sujet comme ça. J'ai tellement été impressionné que j'ai tout de suite dit « je veux ce film-là ». Cette quinzaine-là, j'avais présenté le film et puis j'étais parti dîner. Et on est venu me chercher pour me dire que des gens s'évanouissaient, hurlaient. Effectivement, on avait dû appeler les polices. Il y avait des gens qui faisaient un rejet physique du film. Ça a provoqué une sorte de scandale. Les réactions du public sont viscérales, épidermiques. Les spectateurs sortent de la salle en demandant le remboursement et crient au scandale. Certains vomissent. Des bagarres éclatent. Tom Hooper a gagné son pari. Il entre dans la légende du cinéma, mais pas vraiment sous les hurrahs et les ovations. En tout cas, il est partout. Il prend même possession de la cabine de projection pour gérer lui-même la bande-son. Parce que les sons doivent être portés à leur paroxysme, quitte à saturer. Je veux que les spectateurs soient littéralement tétanisés, dit-il. Et ils le sont. Tétanisés, hagards, se demandant ce qui vient de leur arriver. Même dans cette sélection pointue que la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, les critiques ne sont pas préparées à ce qu'ils voient. Elles sont plus habituées à des films classiques, un peu intellectuels, gentiment dérangeants, mais finalement assez politiquement corrects. Mais là, Tom Hooper balance du lourd. Et une longue histoire de censure commence alors pour Massacre à la tronçonneuse, au gré des changements de politique. D'abord, le film est immédiatement interdit aux moins de 17 ans aux USA. Cela dit, c'est une censure clémente au regard de ce qui va se passer partout ailleurs dans le monde. Parce que chaque gouvernement y va de son interdiction. Du bannissement total à l'ouverture aux moins de 18 ans, en passant, pour les plus valeureux, par les moins de 16 ans. En 75, la British Board of Film Censors refuse la sortie du film en salle. Son secrétaire, James Fairman, déclare « c'est de la pornographie de la terreur ». Acceptable pour des intellectuels de la classe moyenne, mais pas pour des ouvriers de Birmingham. Alors, pour déterminer quelle scène couper afin de rendre le film visible, le censeur le visionne dans son entier et s'aperçoit qu'il n'y a aucune scène autonome ni un seul plan acceptable. Non, c'est l'impression générale de folie qui est inacceptable. tout doit être coupé. Le film reste alors 25 ans sur la liste noire de la BBC. En France, la censure n'est pas en reste. La bourgeoisie bien pensante est choquée. Alors qu'il est présenté en compétition lors de la 4e édition du Festival du film d'Avoriaz, Leslie Caron, comédienne, membre du jury, sort en hurlant de la projection et se précipite outré au micro des journalistes. Michel Drucker, qui est sur place pour présenter les rendez-vous du dimanche, recueille ses propos. J'ai été horrifié. C'est plus que peur, c'est plus qu'horrifié même, c'est révulsé. C'est un film, disons-le, abominable. Leslie Caron, est-ce que vous auriez aimé tourner dans un film de ce style? Non, je désapprouve. J'avoue que je vais briser le sceau de ma position de juré et que je dois dire que je trouve le film bestial, abominable. Nous sommes plusieurs membres du jury qui trouvons même que le film n'aurait pas dû être présenté dans le festival. Je trouve que c'est la décadence complète. C'est un film qui dégrade. Ce 25 janvier 1976 va marquer un tournant en France pour le film Massacre à la tronçonneuse. Sous la férule du réalisateur Michelangelo Antonioni, le jury annule tout simplement le Grand Prix. Hooper savait qu'il connaîtrait les blocages, mais imaginait-il qu'il provoquerait de telles réactions? Il avait même volontairement coupé les scènes les plus violentes pour éviter toutes ces crispations. Oui, il pensait sincèrement avoir réussi à faire un film au maximum interdit au moins de 13 ans. Mais en enlevant la violence du film, en ôtant les scènes d'hémoglobine, il a joué sur la suggestion du gore et renforcé finalement la sensation de malaise. Il a rendu ces scènes bien plus choquante encore que n'importe quelle image trash, puisque, cette fois, l'imagination est en marche. Les programmateurs le savent, ce film est un ovni révolutionnaire, mais il se heurte à la pudibonderie de la société. François Jouffat, journaliste, juré au même festival d'Avoriaz dans la catégorie prix de la critique, sent que le jury ne va pas décerner le grand prix à Massacre. Alors, pour montrer son désaccord, il décide avec ses camarades jurés de lui décerner le prix de la critique. À défaut du prestigieux Grand Prix, Massacre à la tronçonneuse sera tout de même récompensé. Et on se dit que personne n'osera plus censurer un film qui a reçu le prix de la critique à Avoriaz. J'étais sur scène pour recevoir le prix par M. Michel Guy, qui devait être ministre de la Culture, et qui m'a dit à ce moment-là, avec un gentil petit sourire en coin, « Eh bien écoutez, vous avez votre prix. » Et vous pouvez être content, vous aurez également votre certificat de censure. Et avec un grand sourire, il n'a pas fait un, mais enfin, presque. Je croyais que c'était un homme assez libéral, enfin libéral dans le sens tolérant. Ça n'a pas été le cas. Eh non, ce grand prix de la critique ne préserve pas le film de l'interdiction suprême, la plus honteuse, le X de l'infamie, celui qu'on appose aux films porno les plus violents. Gérard Wolff, distributeur français, reçoit cette nouvelle comme un uppercute. Une semaine seulement après son exploitation en France, le film est donc interdit. Alors même qu'il n'y a aucune scène de violence sexuelle, massacré. Casser X comme un vulgaire porno, un X, assorti d'une explication fumeuse, le film ferait la promotion de la violence, inciterait au meurtre, ferait de la pédagogie sur la torture. Comme si les spectateurs allaient prendre des notes pour devenir des meurtriers. Mais un certain public ne l'entend pas de cette oreille. Massacre à la tronçonneuse passe dans les couloirs interdits de la distribution. Et il se met à exister par les récits privilégiés qui l'ont vu aux États-Unis, dans les festivals spécialisés, ou mieux, dans l'imagination de ceux qui les écoutent. On appelle ça un bouche à oreille. En l'occurrence, il est puissant. Parallèlement, des programmateurs de salles continuent à le soutenir, passant outre la censure. Et celui du Festival international du film fantastique et de science-fiction qui se déroule au Grand Rex à Paris, opposé à toute censure, le sélectionne pour la 5e édition. La séance commence à 19h, mais les gens se pressent devant le cinéma dès 14h. L'envie de voir ce film est aussi viscérale et folle que l'émotion induite par ce film. Comme le confirme un témoin de la scène. Quand les gens ont su qu'il y avait Massacre à tronçonneuse au Festival du Rex, ça a été l'apocalypse. Je suis arrivé quoi, 5-6 heures avant, il y avait déjà des gens qui étaient là. Ah, si je me demandais s'ils n'avaient pas couché la veille, quoi, comme les avant-premières de Star Wars aux États-Unis. J'ai commencé à bousculer et tout, ils ont ouvert les portes une heure et demie avant. Je suis rentré, et une fois que j'étais à l'intérieur, dans le hall, je voyais des marées humaines comme ça, je voyais des gens qui hurlaient, et c'était, du coup, c'était zombie. C'est-à-dire, je voyais des gens frapper au carreau, vouloir rentrer. Et on aurait dit qu'il y avait une montagne qui rentrait en éruption et que la lave allait couler sur eux. Ils étaient là, ils essayaient de rentrer. Des gens qui étaient coincés, qui hurlaient, je suis coincé, je suis coincé. Puis des mecs qui les tiraient comme ça, ah, le mec qui était là, qui tombait. C'était, mais hystérique. Je me suis dit, si j'étais arrivé une heure plus tard, je serais mort. J'aurais été piétiné. Ce 16 mars 1979, le programmateur du Festival Grand Rex est lui-même surpris par cette marée humaine, au point de devoir prendre des souterrains pour pouvoir accéder à la salle de projection. En fait, plus les gouvernements font blocage, plus les spectateurs s'organisent. René Château, qui a vu ce film aux États-Unis, profite d'une nouvelle technologie pour le diffuser, le magnétoscope. Puisque les grands écrans ne veulent pas de massacre à la tronçonneuse, Massacre ira sur le petit écran. En 79, il crée une collection VHS intitulée « Les films que vous ne verrez jamais ». Massacre en est le premier. Les cassettes en question sont vendues 500 francs, une fortune pour l'époque. Les aficionados des films d'horreur se l'arrachent, certains font des copies pirates. Quand enfin la cassette est proposée à la location, les réservations se multiplient, parfois un mois à l'avance, tant les gens ont soif de films d'horreur que la télévision ne diffuse pas. En mai 81, la gauche arrive au pouvoir. Après 8 ans d'interdiction, au printemps 82, Jack Lang, ministre de la Culture de François Mitterrand, libère le film de sa censure. Massacre à la tronçonneuse sort ainsi dans 25 salles françaises, lui permettant peut-être d'accéder à l'immortalité. Libéré de ses chaînes, de la censure, Massacre à la tronçonneuse disparaît de l'imaginaire collectif pour devenir le film dont tout le monde a entendu parler mais que personne ne veut réellement voir. Le film est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 40 ans. Il y a des jeunes qui voient ce film aujourd'hui. Je l'ai vu avec des publics ou de plusieurs milliers de personnes. Et parce que ça fonctionne à un niveau émotionnel. Et ça vraiment, ça ressemble à un film qui vient de sortir. Durant les 25 années qui suivent la sortie de Massacre à la tronçonneuse, sa popularité ne cesse de croître. Des amateurs d'horreur qui n'étaient même pas nés en 74 considèrent même Leatherface comme l'un des plus grands méchants du cinéma. Rappelons-le, bricolé avec une poignée de dollars, Massacre à la tronçonneuse a obtenu ses galons de film fondateur sur un malentendu. Car l'enjeu, encore une fois, n'était pas de montrer la lame dentelée, découper les chairs, mais bien de suggérer que cette fiction n'en est peut-être pas tout à fait une, que ce film n'est peut-être qu'un reality show avant la lettre qui trouble et qui effraie. Avant d'entamer le tournage d'Alien, Ridley Scott demande à visionner Massacre. Persuadé qu'il s'agit d'un navet et qu'il aura face à lui tous les clichés évités pour réaliser un bon film d'horreur, il déclare « Je suis tombé sur un vrai chef-d'œuvre. Alors j'ai décidé, pendant le tournage d'Alien, de diffuser la bande-son de Massacre à la tronçonneuse afin de mettre les acteurs en état d'excitation et d'inquiétude permanente. » Moralité. De film maudit et censuré, Massacre à la tronçonneuse est devenu une référence. No! Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Massacre à la tronçonneuse, histoire d'un film dont nous allons parler avec notre invité Julien Sévéon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les locaux des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes, que nous remercions pour son accueil. Vous êtes l'auteur de Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique. C'est une édition en deux volumes. Alors, il y a une moralité dans cette histoire. Elle montre une fois de plus la bêtise de la censure. Parce que plus on censure un film, et on le voit avec d'autres films, plus il devient un film de référence. Massacre à la tronçonneuse entre dans cette catégorie. Oui, tout à fait. C'est devenu maintenant, ça a dépassé son statut de classique du cinéma horrifique pour devenir tout simplement un classique du cinéma. Je pense que si on évoque le cinéma des années 70 au sens large, on est obligé à un moment ou à un autre de parler de ce film. Oui. Alors, Massacre à la tronçonneuse, déjà le titre, mais on y reviendra, a eu aussi un succès. Il était remarqué, on en parle encore aujourd'hui, parce qu'il avance sur cette ligne de crête entre la fiction et la réalité. Est-ce que vous partagez cet avis? Toby Hooper cherche un petit peu à brouiller les pistes dès le départ avec cette affiche et toute cette campagne promotionnelle qui évoque un film tiré de faits réels et d'événements auxquels on va assister sur grand écran, qui sont censés être plus ou moins authentiques aussi. Donc il y a cette volonté de perturber le public et de le mettre face à des images auxquelles il n'a pas du tout l'habitude de voir. Est-ce que ça dit quelque chose de la société américaine des années 70? On l'a évoqué dans le récit. Oui, notamment la société américaine, il y a la guerre du Vietnam à l'époque. Et le conflit s'est un petit peu invité dans tous les foyers américains à l'heure de grande écoute, c'est-à-dire le soir, les Américains ont l'habitude de regarder la télé en mangeant, et tous les soirs, en fait, il y a des images extrêmement dures, extrêmement explicites de soldats, que ce soit des soldats vietnamiens ou des soldats américains, que l'on voit morts à la télé. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et avec ces informations qui prennent une tournure très différente de ce qu'il y avait, par exemple, durant la guerre de Corée, le public, soudainement, se dit qu'il est possible de voir sur grand écran les plus horribles faits possibles, mais de manière tout à fait réelle. Donc, Massacre à la tronçonneuse est un petit peu dans cette dynamique. On se dit, mais finalement, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être de véritables événements, et ça n'est pas du tout un film qui est joué. Alors il y a aussi une manière de tourner très propre au documentaire qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver dans un film de fiction et encore moins dans un film d'horreur. C'est la caméra à l'épaule, ça joue un rôle dans cette ambiguïté qui attire le spectateur et qui le met en état de sidération entre le réel et la fiction. Là encore, caméra à l'épaule, c'est un moyen de faire ça. Tout à fait. Toby Hooper, lui, a tourné plusieurs documentaires auparavant, dont certains ont été primés. Son film précédent, Eggshells, qui était un petit peu un témoignage de toute la contre-culture d'Austin, faisait largement appel à des images documentaires et était tourné aussi caméra à l'épaule. Et Toby Hooper est aussi influencé par La Nuit des Morts Vivants et La Dernière Maison sur la Gauche, qui sont deux films d'horreur essentiels de la fin des années 60 et du début des années 70, qui font appel à ce genre de tournage, qui renforce effectivement l'implication du public dans le récit et qui contribue à brouiller totalement les frontières entre réalité et fiction. Alors, les couleurs changeantes, les cadrages approximatifs, la caméra subjective un peu remuante, la mise en scène est-elle volontairement amateur, si j'ose dire, ou est-elle victime d'un manque de moyens lié à la production, tout simplement? C'est un petit peu les deux. C'est le. Alors Toby Hooper, le temps passant, Toby Hooper est quelqu'un d'un petit peu volubile, d'un petit peu fantasque. Donc il a eu tendance à dire que tout était assumé, tout était voulu dès le départ. En fait, la tournure particulière que va prendre le film se fait en particulier lors du montage. Il a énormément de matériel sous la main, et c'est à ce moment qu'il va réussir à créer cette esthétique, cette ambiance très particulière. Lorsqu'il tourne, il a des idées. Il sait qu'il a pas beaucoup de moyens, donc il veut chercher à avoir un petit peu cette esthétique réaliste, un petit peu amateur. Mais le produit fini n'est pas forcément encore parfaitement dans sa tête. C'est vraiment lorsqu'il va passer de nombreux mois à monter le film qu'il va réussir à ce moment-là à donner la substance horrifiques que l'on connaît. C'est là qu'on voit à quel point le montage est une écriture au cinéma. Totalement. Comme à la radio d'ailleurs, ça l'est au passage. Mais surtout au cinéma, puisque l'on parle de cinéma. On se retrouve dans 3 minutes, Julien Cévéon, après avoir écouté Fishback, Masque d'or. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Julien Cévéon, ce n'est pas faire insulte à Toby Hooper de dire qu'il est moins connu que Stanley Kubrick, par exemple. Stanley Kubrick, je pensais à son film d'horreur Shining, qui est un pur chef-d'œuvre et qui est très différent, évidemment, de Massacre à la tronçonneuse. Alors, Toby Hooper dit que l'idée de la tronçonneuse, justement, lui est venue un jour qu'il était coincé dans un magasin à Noël. Alors, coincé pour, je sais pas par quoi, peut-être trop de monde. Bref, il se trouvait près du rayon bricolage et en voyant une tronçonneuse, il s'est dit, tiens, si je menaçais tout le monde avec ça, je pourrais sortir peut-être plus rapidement d'ici. Mythe ou réalité? Ah, ça, c'est une des grandes questions autour du film, autour des origines du film. En fait, oui, c'est quelque chose qu'il a régulièrement dit très tôt, dès les premières interviews dans les années 75-76. Néanmoins, je pense qu'il y a eu une autre influence. C'était La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, oui, qui se... Oui. Qui se conclut effectivement avec un massacre à la tronçonneuse. Et je pense que ça a aussi contribué à cette idée d'utiliser cet instrument de manière totalement particulière. Qui est Toby Hooper? Toby Hooper, c'est un jeune hippie en fait qui fait partie de la contre-culture de la ville d'Austin et qui va s'entourer de personnes qui sont un petit peu issues du même milieu en fait. On retrouve des étudiants qui étaient là lors des manifestations contre la guerre du Vietnam, des gens qui sont impliqués dans des journaux de la contre-culture, dans des groupes psychédéliques. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu comme ça une dichotomie dichotomie entre ces adeptes du peace and love et ce film qui est d'une radicalité brutale comme on n'en a jamais vu auparavant. Mais c'est quelque chose, voilà, il a ce souhait de faire le film d'horreur le plus extrême qu'on a jamais vu, tout en incluant, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de l'humour. Mais l'aspect effectivement humoristique passe complètement à la trappe tellement le film est intense. Oui, alors là, c'était un ratage pour le coup. Hein. Il voulait faire un film accessible au moins au plus de 13 ans, avec de l'humour. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi la touche d'humour, on ne l'a pas vue? Pourquoi, en fait? Le film est tellement intense, tellement en décalage, on se retrouve projeté tout d'un coup, comme tous les personnages que l'on suit depuis le début, on se retrouve projeté dans une ambiance cauchemardesque dont il est totalement impossible de se détacher. On a du mal à se retrouver juste dans notre position de spectateur. On est à l'intérieur du film, on vit le film totalement. Et à partir de là, les petites touches d'humour qui glissent effectivement et qui sont totalement présentes dans le film, on n'est pas capable de les saisir, en tout cas lors du premier visionnage. Ça passe à l'as, quoi. Alors, Toby Hooper dit qu'il a été exigeant avec son équipe. Est-ce à dire qu'il a été odieux? Parce que certains disent qu'il assumait, carrément d'être détesté pour avoir poussé à bout ses comédiens. Alors effectivement, il a réussi à créer des tensions à bord, c'était quelque chose qu'il souhaitait faire, notamment il a séparé le casting entre les méchants et ce groupe de jeunes qui va se retrouver harcelé par cette famille de dégénérés. Néanmoins, certaines choses ont été exagérées aussi. Il était très peu impliqué, selon certains acteurs, du côté de la direction des différents comédiens. Il donnait très peu d'indications, comment faire. Les acteurs avaient leur dialogue, c'était à peu près tout ce qu'il leur demandait. Néanmoins, il se débrouillait en arrière-plan pour essayer de dresser les uns contre les autres, notamment Gunnar Hansen, qui jouait le rôle de Leatherface, qu'il refuse de présenter à tous les autres acteurs. Et les acteurs vont le découvrir, en fait, durant le tournage, au moment où ils doivent tourner leur première scène face à lui. Et vu la stature de Gunnar Hansen, il est massif, il est très grand, il est authentiquement monstrueux avec ce masque. Il réussit vraiment à terrifier les acteurs, et c'est comme ça qu'il réussit à obtenir des scènes où les acteurs ne jouent pas du tout, ils ont authentiquement peur. Ah, bien vu. À propos du budget, c'est un volet qui était un peu survolé dans le récit parce que c'est pas le plus spectaculaire. Comment ça s'est passé? Parce que le projet est quand même un peu audacieux, quoi. On connaît les producteurs, hein, pas toujours audacieux. Effectivement, bah, il trouve pas d'argent à Hollywood, hein, ça c'est évident, et il va chercher à Austin tout aussi bien dans le microcosme cinématographique qui existe à l'époque, mais surtout auprès de différents industriels. Donc notamment, il y a un magnat du pétrole qui va investir dans le film, tout simplement parce que ça fait bien d'avoir un petit peu ce statut de producteur. Il va avoir des amis qui vont mettre un petit peu d'argent, et c'est comme ça que le budget va se monter. Petit à petit, en fait, il démarre avec une somme minime, vraisemblablement 60 000 euros, et le budget va grossir au fil des mois, et il va dépasser très largement ce qu'il aurait dû coûter. Néanmoins, on ne sait pas au final exactement combien a dépensé Toby Hooper lors du tournage. Ça aussi, entre 60 000 et 300 000 dollars. Ah oui, effectivement, c'est le grand écart. Le scandale de Massacre ne s'est donc pas massacré en lui-même, bien sûr, c'est la censure et surtout la classification de ce film en film X. Alors ça, c'était à l'époque une manière de le mettre sous le boisseau et vraiment qu'il ne soit pas diffusé, parce que c'est quand même insultant. Ah, totalement. Il y a une volonté. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'aux États-Unis, ils ne rencontrent pas du tout ce lever de bouclier de la part des institutions cinématographiques. Le public va parfois s'énerver, notamment des journaux reçoivent des lettres de spectateurs qui se plaignent qu'un film comme ça soit accessible à tout le monde. Mais néanmoins, le plus gros problème qu'il va rencontrer, ça va être en France, ainsi qu'en Allemagne et en Angleterre, où les différents comités de censure font tout leur possible pour interdire sa projection. Je pense que ce soit aussi bien la British Board of Film Censorship que le CNC en France, non, ils n'ont pas du tout l'habitude de voir un film comme ça. Effectivement, le film est tellement novateur, tellement radical, tellement brutal, qu'ils ne savent pas du tout quoi en faire. Et la possibilité de le couper tombe totalement à l'eau, parce qu'on a beau couper une ou deux scènes, le problème, comme le disait le chef de la BBFC, c'est que le contenu entier du film est problématique. Toute dernière question, alors en quelques secondes, Julien Cévéon, vous êtes passionné par ce film, puisque vous en avez écrit deux volumes, un livre en deux volumes. Qu'est-ce qui vous passionne tellement dans ce film-là, en quelques mots? Le film lui-même, bien évidemment, les conditions de tournage, l'époque, l'endroit d'où il vient, Austin, qui est une ville plutôt progressiste dans un état qui est très rétrograde. Texas, totalement. Et c'est un petit bastion libertaire, en fait, dans un Texas très conservateur, pour ne pas dire raciste, lorsqu'on va plutôt vers la campagne. Mmh. Et puis les gens qui sont derrière derrière ce film, qui sont tous issus de la contre-culture et qui réussissent à révolutionner le cinéma sans le vouloir du tout, parce que la plupart des gens qui sont impliqués dessus pensent que le film ne va même pas sortir. Très bien, parfait. Ce sera le mot de la fin, Julien Cévéon. Merci pour vos éclairages érudits sur cette affaire-là. Au revoir. Merci, au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Massacre à la tronçonneuse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.